avec la paix du temps en Christ. Parle aux âmes reçues de sa venue. Quiconque croit Dieu dans son amour de l'heure reçoit la vie du temps. Reçois, Jésus qui t'appelle. Confie-le dans son amour, quiconque croit Dieu dans son amour de l'heure, reçois la vie du temps. Reçois, Jésus qui t'appelle. Confie-le dans son amour. Dieu dans son amour de l'heure reçoit la vie du temps. Renoue l'appel de Christ dans sa parole. Parle aux âmes perdues de son amour. Quiconque croit Dieu dans sa parole de l'heure reçois l'amour du temps. Reçois, Jésus qui t'appelle. Confie-le dans son amour. Quiconque croit Dieu dans son amour de l'heure reçois la vie. Reçois, Jésus qui t'appelle, confie-le dans son amour. Quiconque croit Dieu dans son amour de l'heure, reçoit la vie.